Alors, merci mille fois pour tous les trucs pour Mario Kart. Comme mon fils n'écoute pas France Inter parce que c'est une radio dieu, bah, je pense que la prochaine fois, je vais le battre. Merci, bisous. Non, mais chérie, puisque je te dis que le meilleur personnage sur Mario Kart, c'est Yoshi. Fred, tu peux pas lui dire que c'est Yoshi à ma femme ? Théo, c'est papa. Bon, ramène ma Wii U à la maison et au lieu de frimer sur les réseaux sociaux, viens m'affronter à Mario Kart. J'ai des conneries, là. Et c'est toi qui me vois les pognons. Et finis la jeune poche, tant que tu vas pas torcher. Oui, bonjour Frédéric et toute l'équipe, ici Geneviève dans le Tarn. Je vous appelle parce que moi, avec Mario, je suis comme tout le monde, ça fait longtemps que je joue. Et quand j'étais jeune, on était plutôt Sega à la maison et un jour, mon frère a fait pour un week-end un échange avec son pote qui avait la Nintendo. Et donc, on a passé le week-end à faire du Mario Kart. Et ben, je crois bien que ça m'a coûté une mention à ma licence parce que j'étais censée réviser ce week-end-là. Voilà. Merci pour vos émissions. À bientôt. Salut Blockbuster. Pour votre émission sur Mario Kart, vous pourriez citer Louis XIV qui aurait dit « C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre ». Je pense donc que Louis était un grand joueur de Mario Kart, tapi en deuxième position à la manche du dernier tour, attendant patiemment la carapace bleue qui allait envoyer les rêves de victoire du premier dans le ravin de la Rainbow Road. Allez, bonne émission. To be or not to be, not to be. Mais ils sont où ? Ils sont où ces milliers de lecteurs de comic book qui devaient débarquer dans les librairies quand les films de super-héros ont commencé à faire des millions de dollars de bénéfices au box-office ? Ça fait depuis le film Blade que je les attends. Et je parle d'un film qui date de 1998, 23 ans que j'attends. Alors je sais qu'il y a de la circulation, que c'est l'été, il y a les travaux sur le RER, mais logiquement 23 ans c'est plus du retard, c'est un message. Tu sais quoi Frédéric ? On viendra pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les films d'Harry Potter ont eu un effet sur la vente de livres Harry Potter. La série Game of Thrones a eu un impact sur les ventes de livres Game of Thrones. Même Lupin, la série qui donne envie de se pendre avec une pellicule 35 mm, même elle, elle a eu un impact sur les ventes du livre de Maurice Leblanc. Queen's Gambit, le jeu de la dame, a donné aux gens l'envie de se mettre aux échecs. Je suis même certain que Kaamelott a une influence sur la vente de charcuterie en France. Et là, Avengers, un des films les plus vus au monde. Les gens, ils sont là en mode « Non, non, les comics, c'est pas mon truc. » La semaine d'après, ils regardent la dernière saison Disney+, ils sont là « Waouh, t'as vu, dans WandaVision, il y a un Vision tout blanc. Il y a un Captain America noir. Il y a plusieurs Loki. » Oui, oui. Et vous savez d'où ils viennent, tous ces trucs qui vous font triper chaque semaine ? Des fucking comics. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Ces gens sont peut-être seuls au monde, voire déséquilibrés. Mais je pense qu'avec un peu d'effort, on en fera exactement ce qu'on souhaite. Vous le pensez seulement ? On ne gagne pas une guerre avec des sentiments, Monsieur Fury. Non, on la gagne avec des soldats. Le nom de Stan Lee est à juste titre associé à la création de l'univers Marvel. Charismatique et volubile, Stan Lee a longtemps incarné le faire-savoir de l'entreprise. Pourtant, au-delà des rodomontades, il y a en coulisses la réalité du savoir-faire d'une entreprise et un dessinateur notamment de génie, qui est responsable ou co-responsable d'une bonne partie des personnages qui génèrent aujourd'hui des millions de dollars. Son nom, Jack Kirby. Pour évoquer cette légende pas assez connue du grand public à mon sens, j'ai à mes côtés Arnaud Tomassini, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Comics Blog, créateur des podcasts First Print, The Pulse et Coucou Gérald. Tout à fait, merci. Avec nous également Olivier Corentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur pour comicsblog.fr et chroniqueur comics du podcast First Print. Tout à fait. De retour, on est ravis, Xavier Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et conférencier, spécialiste de la bande dessinée américaine et des cultures populaires. On fait ce qu'on peut. Avec nous pour la première fois et on est ravis, Alexandra Ramos, bonjour. Bonjour. Vous êtes community manager freelance spécialisée dans les comics et productrice du podcast Comme dans ta bulle. C'est ça. Ensemble, on va retracer le parcours de Jack Kirby, de son enfance dans le Lower East Side jusqu'à sa disparition à la suite d'une crise cardiaque le 6 février 1994 en Californie. On parlera de son style unique qui a tant influencé et influence encore des artistes du monde entier. On parlera de ses créations les plus connues, de ses collaborations chez Marvel, DC et autres. Bref, on va tenter de rendre à César ce qui est à César, au King ce qui est au King. Je commence par voir l'histoire. Je la ressens. Je connais les personnages quand je les écris. Ils ont tous déjà vécu quand je les mets sur le papier, comme j'aimerais qu'ils vivent dans les pages. Mes histoires sont très sincères. Ce sont les histoires des gens. Et il y a des éléments de mes histoires qui sont très très réels, quel que soit le sujet. J'ai écrit des histoires sur un large éventail de thèmes. Mes inspirations venaient surtout du fait que je devais vendre et que je devais trouver des personnages qui n'étaient plus des stéréotypes. Et allez savoir pourquoi, je me suis tourné vers la Bible. J'ai inventé Galactus. Et là, j'étais face à cette immense figure que je connaissais très bien, parce que j'ai toujours senti un homme que je ne pouvais définitivement pas traiter comme n'importe quel mortel. Et je me souviens que, dans ma première histoire, j'ai dû m'éloigner de lui pour en trouver la résolution. Et bien sûr, le surfeur d'argent, c'est l'ange déchu. Quand Galactus l'a relégué sur Terre, c'était le début de ses aventures. Vous venez d'entendre la voix de Jack Kirby dans un extrait de Master of Comic Book Art, un documentaire réalisé par Ken Viola. Édité en 1987. Xavier Fournier. Oui. Première question. Qui est Jack Kirby? Jack Kirby, c'est tout bonnement un des pionniers des comics. Il fait vraiment partie de la première génération de créateurs de cette forme d'art. Et ça a été un gars d'une productivité totalement folle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 95% de ce que vous voyez comme adaptation au cinéma ou dans les séries télé. 95% peut-être des grands héros Marvel classiques qui viennent de l'imagination de ce type-là. Hein. Tout à l'heure, on parlait que vous disiez qu'il était peut-être le co-créateur. Non, il est à minima co-créateur, et dans bien des cas, il est même le créateur avec Stan Lee qui repasse derrière pour faire les dialogues. Donc c'est vraiment une force motrice. Et finalement, ce gars-là, c'est pas faux de dire qu'il est à la base de tout un pan de notre imaginaire moderne. Et d'où vient-il? Dans quel milieu familial a-t-il grandi? La plupart des auteurs de comics, de cette première génération d'auteurs de comics, ils viennent de milieux assez modestes, hein, parce que au début, travailler dans la BD, c'est comme être vendeur de journaux à la criée, de scieur de chaussures. C'était pas respecté, et il fallait vraiment vouloir travailler avec des bouts de ficelle. Et donc, je dirais pas que c'est la grande misère, mais fondamentalement, il vient de quartier. Edith Piaf en aurait fait des chansons, quoi. Il a grandi dans un New York très très pauvre. Il a grandi dans un New York très très pauvre. Il a des voisins qui étaient vraiment dans une misère assez cataclysmique. Et on retrouve ça pratiquement de façon documentaire dans certaines BD qu'il a fait sur des bandes de gosses. Il y a toujours des enfants pratiquement mendiants, miséreux. Et c'est vraiment quelque chose de poignant dans la plupart de ses histoires. Et ça, ce qui est intéressant dans l'œuvre de ce type-là, c'est un type qui commence dans les bas-fonds et qui va finir par qui va grandir avec son siècle et qui va finir à un moment avec son imagination qui est synchrone avec les premiers pas sur la Lune et des choses comme ça. Donc son imaginaire se développe au fur et à mesure que le progrès du XXe siècle avance aussi, quoi. Et puis, mine de rien, dans son œuvre, on sent assez tôt non seulement l'envie de vivre avec son temps, mais aussi au niveau actualité. Parce que il est fils d'immigrés européens, et ça a joué aussi dans la manière dont il va, par exemple, dépeindre la montée du fascisme en Europe. Dans son association avec Joe Simon, quand ils ont créé Captain America, on sent aussi très très qu'il était à l'affût, à l'écoute de ce qui se passait en Europe et évidemment de ce qui menaçait le peuple juif. Et c'est quelque chose sur lequel il s'est investi très très tôt, non ? À plus forte raison, j'en profite peut-être pour faire une parenthèse, mais pour dire qu'il y a plein de gens qui pensent que Captain America, c'est de la propagande, que les pouvoirs publics américains auraient encouragé les éditeurs de BD à faire ça pour pousser la population vers la guerre, des choses comme ça. C'est totalement faux. Captain America, c'est plutôt un coup de poker. Il est créé, publié dans les derniers jours de 1940, alors daté de 1941, c'est toute une histoire chez les Américains, ils antidatent. Mais près d'un an avant l'attaque de Pearl Harbor, on a ces deux auteurs d'origine européenne qui voient un peu dans les journaux ce qui se passe et qui se disent il faut y aller, il faut pas rester là. Et donc ils inventent un personnage pour sensibiliser la population justement à ce qui se passe. Qui non seulement a le drapeau américain sur comme costume, mais qui imagine tout un truc. Et dans les premiers épisodes, c'est super caustique. C'est-à-dire que une bonne partie des personnages ne sont pas forcément des nazis, ce sont des collaborateurs américains. On vous explique que les industriels collaborent avec les nazis. Enfin, c'est vraiment rentre dedans. Et à cette époque-là, parce qu'il y a un parti nazi, le Bund, qui est tout à fait légal aux États-Unis à ce moment-là, ils vont recevoir des lettres de menace. Enfin, ça va être couillu. C'est pas simplement l'État qui arrive en disant vous pouvez nous faire une petite BD de propagande. Et non, c'est un parti pris. C'est-à-dire que voilà, ils se sont vraiment posés comme on s'oppose à ce type de régime politique, à ce qui est en train de se passer, et on s'engage véritablement. Sans avoir peur. Et c'est un fil rouge qu'on peut retrouver dans l'œuvre de Jack Kirby tout au long de sa vie. C'est toutes les formes de fascisme, elles sont pratiquement énumérées dans les différents super-vilains qu'il va créer au cours de sa carrière. Corentin, qu'est-ce que représente Jack Kirby pour cette galaxie énorme du comic book? Alors déjà un style, parce que Jack Kirby, quand il a été réengagé par Stan Lee pour poser les premières pierres de ce qui sera le super-héros version Marvel, il sera aussi une sorte de professeur d'art, en fait, pour les nouveaux artistes qui vont arriver. Il fera souvent les découpages, il inventera le style Marvel, en fait, le style de super-héros à la Marvel. Il aura un trait qui sera souvent jugé très dynamique, toujours dans le mouvement, dans la structure, le muscle. Et il aura aussi une sorte de propension, comme le disait Xavier, à regarder vers les étoiles, c'est-à-dire qu'il va très vite inventer quelque chose qui est vraiment spécifique à la bande dessinée des super-héros américaines, qui est l'art cosmique, c'est-à-dire l'art d'imaginer des civilisations étrangères, enfin, aliens même. Des vaisseaux, des structures, on parle de Kirby Tech en l'occurrence, parce qu'il y a vraiment un style, comme il y a le style de Star Wars avec McQuarrie. Avec les bulles d'énergie qui crépitent à chaque voilà, rafale d'énergie. Oui, c'est le Kirby Crackle, effectivement, donc le Kirby Dot, entre guillemets. C'est vraiment un artiste qui, après plus tard, a inspiré Roy Lichtenstein, qui a vraiment créé une sorte d'école entière de dessin. Les comics de romance aussi, à une autre époque, qui vraiment, pareil, ont lancé un boom énorme dans l'édition américaine. Et moi, personnellement, je le retiendrai quand même plutôt pour justement cette porte ouverte vers le cosmique, cet afrofuturisme dans Black Panther, ces civilisations que sont du coup Apocalypse et New Genesis chez DC, et ces créatures, ces créations, ces casques absolument magnifiques, proches du cubisme presque, proches de l'art abstrait. On dira qu'au départ il était impressionniste parce qu'il voulait faire un trait assez réaliste, parce qu'il n'avait plus pas beaucoup de temps pour illustrer, à la fin il était vraiment expressionniste, c'est-à-dire que anamorphiquement, c'est pas forcément correct, Kirby. Oui, c'est-à-dire que les mains, des fois, il y a des doigts en trop, mais ils s'en fichent, en fait. Hein. Les mains sont dans un autre plan temporel, en fait. La main est déjà partie et le corps est derrière. On le voit beaucoup avec le personnage de Mister Fantastic, qui, avec son élongation, donc l'homme élastique, pouvait occuper comme ça un espace assez immense en se déformant. Et oui, quelque part, c'est encore aujourd'hui reconnu comme, au-delà de toutes ses créations, de ses personnages, etc., un homme qui a donné au dessin de comics une vraie forme, une vraie patte, une vraie énergie. Mais d'ailleurs, Todd McFarlane, le dessinateur de Spawn et qui s'est fait connaître en dessinant Spider-Man, ou dernièrement Ryan Otley, le dessinateur de Invincible et aussi de Spider-Man et bientôt de Hulk, revendique sa filiation avec Jack Kirby dans cette manière de composer des pleines pages. Bien sûr, oui. Alors oui, on considère qu'il serait l'auteur de la pleine page et la double pleine page aussi dans Captain America. Mais même pas que, Barry Windsor Smith. En fait, la plupart des artistes, c'est une sorte de marronnier, veulent rendre hommage à Kirby à un moment donné. Jusqu'à récemment, avec Mark Waid sur Fantastic Four Antithèse, ou même avec Donny Cates sur Silver Surfer Black, c'est toujours des histoires qui cherchent à recréer ce qu'il avait de spécial, ce qu'il avait d'unique. En fait, lui et Ditko, étaient le créateur de Spider-Man, sont un peu ceux qui ont vraiment donné cet imaginaire qui est spécifique vraiment à la bande dessinée américaine. Et jusqu'à récemment, c'est encore une fois considéré comme le king, le roi des comics. Alexandra Ramos, à quelle occasion avez-vous découvert Kirby ou le style Kirby? Alors moi, c'était plutôt côté DC Comics. Moi, je suis plus une lectrice DC que Marvel. Donc c'est sa période de quatrième monde. Exactement, c'est au moment où il a eu 50 ans et qu'il a quitté Marvel pour des raisons que Stan Lee n'a pas mis en valeur aussi sa créativité. Et du coup, il a été pas crédité sur toutes les choses qu'il a accomplies. Et du coup, il a quitté Marvel pour aller chez DC et il a écrit le quatrième monde. Donc du coup, dedans, il y a quatre ici. Il y a Mr. Miracle, Forever People, Superman's Pulse, Jimmy Olsen. Alors j'explique pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est une planète volcanique qui s'appelle... Il y a deux planètes avec Apocalypse, et notamment si jamais vous suivez un petit peu l'actualité cinéma avec Darkseid, ce grand méchant qui est un peu l'équivalent DC Comics de Thanos, alors que pourtant il a été créé avant. Ouais, c'est ça. Et bien en fait, ce Darkseid a été créé par Jack Kirby dans le quatrième monde, qui vit sur cette planète Apocalypse et qui est entouré par les Furies. Et il y a notamment un fils adoptif, Orion, voilà, qui lui a été élevé sur une planète en face. Voilà, c'est toute une cosmogonie inventée par Jack Kirby dans un monde à la fois mythologique et aussi un petit peu futuriste. Voilà, et ça s'appelle Le Quatrième Monde. C'est ça, c'est une guerre éternelle entre les dimensions. C'est le summum qu'a pu faire Kirby. Et justement, Jim Starlin le dit lui-même qu'il a créé Thanos par rapport à Darkseid. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit même la création de Kang le Conquérant par Jack Kirby qui va en plus bientôt arriver dans voilà, le MCU. Alors Kang le Conquérant qui est une sorte de... J'explique de conquérant qui est temporel, qui se déplace d'époque en époque. C'est donc le maître du temps. Voilà, qui côtoie différentes versions de lui-même et que vous avez peut-être ou pas, déjà vu apparaître quelque part, je n'en dis pas plus. Arnaud Tomassini, on a parlé un petit peu donc du legs, de l'héritage de Jack Kirby, mais en fait on a affaire quand même à un garçon qui fondamentalement était assez simple, voilà, c'est un garçon des bas-fonds, qui aimait bien se battre, on n'est pas du tout dans le dessinateur du Star System. Non, et puis c'est quelque chose qui lui coûtera au final, puisque notamment, c'est ce qui est quand même assez reconnu dans toute son histoire, c'est Hearth avec les maisons d'édition, avec ses collaborateurs, notamment avec Stan Lee, qui l'a quand même un peu, je pense, spolié en fait de son crédit, de la reconnaissance qu'il avait. Mais oui, c'est a priori, en tout cas moi j'ai pas eu la chance d'être contemporain de lui, mais oui, ce qui est dit, en tout cas notamment dans un ouvrage de Mark Evanier, c'était quelqu'un d'assez humble en fait. Et qui voulait qui voulait pas être une superstar comme Stan Lee, mais par contre qui voulait quand même, qui tenait juste à ce que la reconnaissance soit rendue à ceux qui taffent. Et même ce surnom de King of Comics à la base, ça vient d'une vanne d'un éditeur qui s'appelait Victor Fox, chez qui il a commencé à travailler dans les années 30, et qui lui était un éditeur qui se prenait vraiment pas pour n'importe qui, alors qu'il était pas vraiment brillant, et qui disait voilà, quand il vendait ses BD, ouais, je suis le roi des comics, je suis le King of Comics. Et après, c'est devenu une vanne pour lui et Bill Everett à l'époque, donc le créateur de Namor. Et des années plus tard, quand on lui disait ouais, t'es le King of Comics, ça les faisait rire tous les deux. Il disait bah non, c'est pas moi. Donc pas moi, c'est. Dire que et qu'au final, ce qu'Evanier dit en conclusion de son bouquin, c'est que il acceptait ce pseudo, mais toujours avec le sourire ou un petit clin d'œil pour voir que même s'il reconnaissait, je pense qu'il était quand même conscient de tout ce qu'il avait apporté. Il restait humble là-dedans et disait bah je l'ai fait, mais voilà, c'est pas. Il y a une anecdote là-dessus, c'est qu'il y avait eu un malentendu dans une émission de télé américaine où un comique, un gars qui fait rire, avait vu passer ce surnom-là, était convaincu que Jack Kirby se prétendait le roi des artistes comiques et l'avait trucidé dans son émission en disant c'est qui ce type-là, j'ai jamais vu sur scène, j'ai jamais vu un sketch, et il avait été obligé de s'excuser plus tard. Le hors-sujet total. On parle aujourd'hui du king de la bande dessinée américaine, il semblait logique qu'on écoute le king tout court. On écoute A Little Less Conversation d'Elvis Presley, remis au goût du jour par Junkie XL. Cette émission est réalisée par Céline Hila, assistée par Véronique Ameyer. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radonac. Et depuis quand t'es comme ça ? Comme quoi ? Comme ça, vert, immense et débile. Hulk, toujours Hulk. It's a groovin' night and I can show you how to use it. Elvis Presley, remis au goût du jour par Junkie XL dans Blockbuster sur France Inter. Schmitt est membre du premier cercle et il est très ambitieux. Hitler et lui partagent la même passion pour les pouvoirs occultes et les mythes teutoniques. Pour Hitler, c'est surtout une façon de galvaniser ses troupes. Mais pour Schmitt, ce n'est pas du tout ça. Pour lui, c'est très sérieux. Il est persuadé de l'existence d'un pouvoir colossal, enseveli par les dieux, en attendant qu'un individu supérieur puisse s'en emparer. Quand il a entendu parler de ma formule et de ses applications, il a été incapable de résister. Schmitt veut devenir ce surhomme. Ça l'a rendu plus fort? Oui. Mais ça a eu d'autres effets. Le sérum est un amplificateur de ce que le sujet a en lui. Le bien devient meilleur, mais le mal devient pire. Et c'est pour ça qu'on vous a choisi. Parce qu'un homme fort, qui a eu du pouvoir toute sa vie, n'a plus de respect pour le pouvoir. Mais un homme faible connaît la valeur de la force. Et il connaît la compassion. C'était un extrait de Captain America First Avenger de Judge Johnston, sorti en 2011. Bernard Allan double Stanley Tucci, qui joue le professeur Erskine, et Maël Davansoulas double Chris Evans, qui joue Steve Rogers, alias Captain America. Xavier Fournier, donc Jack Kirby crée Captain America avec Joe Simon. Et un peu plus tard, il y a cette rencontre avec Stan Lee qui va créer tout ce panthéon de super-héros Marvel. Comment cette rencontre s'est passée? Alors, au tout début, Stan Lee, c'est une sorte de stagiaire dans les locaux de ce qui va devenir Marvel Comics. La petite histoire raconte qu'apparemment, il énervait tout le monde en jouant de la flûte. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On a Thomas VDB ici qui fait la même chose. Eh ben peut-être qu'il va finir par faire beaucoup de films, on ne sait pas. Le truc, c'est que voilà, il y a eu un moment où, après avoir créé Captain America, Joe Simon et Jack Kirby sont un peu surpris eux-mêmes par le succès, l'ampleur du succès que cette série prend. Il y avait eu question qui soit intéressée au bénéfice de la bande dessinée et le patron de Marvel, qui n'est pas Stan Lee, qui est un parent de Stan Lee, qui s'appelle Martin Goodman, d'un seul coup oublie tout à fait cette question de partage. Ah bon, on avait parlé de partage, c'est bizarre, je sais plus. Ah bon, t'es sûr? Et donc eux, finalement, ils en viennent un peu à claquer la porte dans des conditions rocambolesques et à traverser la rue, comme on dit, pour aller chez le concurrent qui s'appelle DC Comics et à créer des personnages qui ressemblent un petit peu à Captain America mais qui n'auront pas forcément le même succès. Et pendant des années, Joe Simon et Jack Kirby vont faire équipe mais travailler dans d'autres maisons d'édition. La petite histoire, c'est qu'on parle beaucoup de Stan Lee qui, effectivement, n'a pas vraiment été correct avec Jack Kirby, mais la vraie histoire, c'est que tout le monde à cette époque-là, au niveau des éditeurs, n'était pas correct avec les auteurs. Et Jack Kirby lui-même, il s'est fait un peu rouler dans la farine plusieurs fois, en particulier chez DC Comics, où un éditeur lui avait dit « Attends, j'ai un petit plan pour toi, tu vas aller dessiner une autre série qui s'appelait Sky Masters. » Et d'un seul coup, le type qui lui avait apporté l'affaire lui dit « Mais par contre, je veux un intéressement. Je veux X% des bénéfices que tu prends. » Et donc, ça a dégénéré et il y a eu procès. Donc, imaginez un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'un dessinateur se fait attaquer alors qu'il fait son métier. Alors qu'il fait son métier, quoi. Et contraint et forcé, à un moment, toutes les portes se referment puisqu'il est en bisbille avec DC Comics. Il est un peu obligé de retourner bosser chez Marvel qui, à l'époque, était pratiquement à deux doigts de déposer le bilan. Et y a une légende urbaine qui fait que, soi-disant, Martin Goodman aurait été un petit peu humilié par les ventes de la Justice League. Donc le titre phare de DC Comics. Serait venu voir au début des années 60 Stan Lee et Jack Kirby en disant « Débrouillez-vous, trouvez-moi des histoires de super-héros, on est en train de se faire tailler des croupières, je veux des histoires de super-héros. » Et contraint et forcé, n'y croyant pas vraiment, il lance un truc qui s'appelle les 4 Fantastiques. Et ils vont réinventer un petit peu la recette du super-héros en insistant beaucoup sur le talon d'Achille. Les super-héros de Marvel, de cette nouvelle génération de Marvel, c'est toujours des gars qui ont des problèmes, qui ont des malheurs, qui sont des monstres, qui ne sont pas récompensés pour leur héroïsme. C'est plutôt des caliméros. C'est plutôt des gens, la foule leur balance des boîtes de conserve. Enfin, c'est vraiment ça, qu'ils ne sont pas respectés. Et finalement, on dirait un peu les soignants en 2021. Ah, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a Thor, ce qui n'est pas le cas au cinéma. Thor est un médecin dans les comics. Oui. Un pauvre médecin boiteux qui n'est pas non plus respecté par la populace. Et alors, c'est cette époque où il crée les Quatre Fantastiques, avec cette mythologie interne aux Quatre Fantastiques, Galactus, le surfeur d'argent. Et là, je vous pose la question. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des Vengeurs, mais on aurait tendance à oublier qu'à un moment donné, les équipes phares, c'était les X-Men, mais c'était aussi les Quatre Fantastiques. Moi, ma première rencontre avec Marvel, la famille royale des éditions Marvel, c'était les Quatre Fantastiques. Alexandra, quelle a été votre rencontre avec les Quatre Fantastiques ? Ben moi, malheureusement, comme du coup, je suis moins rentrée dans l'univers Marvel, j'ai connu via les films, et je pense que pour le grand public, oui, c'est une catastrophe, je sais. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, malheureusement, la cote des comics, et encore, le marché du comics est en difficulté, il y aura bientôt un excellent podcast dessus sur First Sovereigns, ne marche pas, malgré le succès des séries et des films. Et le bide qui a pu être fantastique a encore pénalisé ce comics qui est quand même très phare, qui est très important, et les gens ne le savent même pas que Fantastic Four fait partie aussi des Avengers, qu'il y a un multiverse qui peut se créer, qu'on espère qu'il va se passer bientôt. C'est vraiment l'idée d'un univers partagé. Voilà, c'est-à-dire que les éditions Marvel, ce que le grand public est en train de découvrir, oui. C'est-à-dire que Spider-Man, Iron Man, les X-Men et tout ça peuvent se côtoyer, c'est quelque chose de très naturel et ça a toujours existé. Et c'est aussi la force de Kirby qui arrive à mélanger les univers ainsi que les super personnages et qui en fait des équipes. Et aussi, il est très fort pour ça. Il a créé les X-Men, il a créé les Eternals aussi. Il a une force à faire des teams, peut-être aussi pour pallier le fait qu'il a été tout seul, qu'il a eu une enfance très difficile, où il a dû vivre avec des gangs, où il a dû des fois se faire du mal pour s'en sortir. Et donc je pense que ça lui a fait du bien aussi de créer ces équipes-là. Et alors ce qui est fou, c'est qu'il crée tous ces personnages, il participe aussi à la création de Spider-Man, c'est lui qui donne le nom, les pouvoirs, d'Iron Man, oui, aussi. Et une fois que c'est posé, il dit, bon, donnez ça à un autre dessinateur qui va s'en charger et qui va évidemment apporter aussi son talent et qui va sublimer. Mais il y a vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de génie, de boîte à hit qui balance à tout va comme ça et qui n'est protégé par aucun droit d'auteur et qui donne des idées de génie. C'est un mélange entre Spielberg, Kubrick et qui donnerait ses idées gratos. Bah tiens, fais ça. Ce que disait Xavier était intéressant. C'est effectivement, à l'époque, c'était la norme en fait aux États-Unis, ce qu'on appelle le work for hire, donc un système de salariat. En fait, les auteurs sont invités à travailler pour un éditeur. Ils créent un personnage, mais le personnage ne leur appartient jamais. C'est très récent, la réflexion sur le droit d'auteur et l'attention du copyright par les artistes eux-mêmes. Et Kirby justement a été un des arguments qu'on fait valoir justement beaucoup de ces, comme Tom McFarlane dont vous parliez pour Spawn, dont sont servis, voilà. Image comics, C'est qu'effectivement, on a énuméré dans un procès qui avait été fait par les héritiers de Kirby à Marvel, plus de 13 000 pages qu'il avait créées. Et quand on compare justement avec ce que ça lui aurait pu rapporter, même sans parler des adaptations, c'est rien du tout. Et lui-même, justement, ses nombreux litiges avec Stan Lee se sont toujours basés là-dessus. La liberté créatrice, le contrôle créatif aussi, parce que les Fantastic Four sont vraiment sa série et pas celle de Stan Lee. Probablement que Stan Lee était là au début pour mettre une table dans le dos, effectivement mettre son nom sur la copie. Quand il crée les Inhumans, c'est du Jack Kirby, c'est pas du Stan Lee. D'ailleurs, les Inhumans qui vont aussi, qui sont arrivés en série télé. Les Eternals, pareillement, c'est du Jack Kirby. D'ailleurs, il était crédité tout seul sur le premier numéro. Effectivement, il y avait ce côté, oui, jaillissement d'une idée. C'est un mec qui avait beaucoup trop d'imagination. C'est un vrai artiste au sens noble, c'est-à-dire qu'il avait vraiment des visions d'autres mondes, d'autres structures, civilisations. Quand on voit son volume de Black Panther notamment, donc personnage qu'il a créé donc dans un monde afro-futuriste, une civilisation qui n'a pas été envahie par l'homme blanc, la série qu'il a faite à l'époque ne ressemble en rien à ce qui a été fait ensuite. C'est à peine l'Afrique en fait, c'est vraiment un monde de science-fiction. Oui, c'est art vraiment science, une cité futuriste. Voilà, des pistolets laser, des costumes vraiment, abstraits quoi. Tout comme le Asgard de Thor chez de Marvel n'a rien d'un documentaire sur les Vikings ou la mythologie nordique. Hein. C'est réinventé à la comme je te pousse. Hein. Voilà, avec un pont arc-en-ciel, etc. Pour revenir peut-être sur Jack Kirby avec et Stan Lee, moi ça me fait penser aussi à l'histoire de Bill Finger et Bob Kane. Sur DC, les créateurs de Batman. Exactement, où en fait Bill Finger a fait un travail énorme. Bob Kane évidemment a été un petit peu au début, mais c'est Bill Finger qui a créé le costume, qui a ensuite eu l'idée de Robin, qui a ensuite fait tout le panel de vilains qu'on peut connaître aujourd'hui. Et je pense que Jack Kirby et Bill Finger étaient des réels passionnés qui laissaient les stars, on va dire les Bob Kane et Stan Lee, qui étaient quand même assez les grandes bouches, qui aimaient la médiatisation, qui étaient à l'aise c'est avec ça. Des grandes et peut-être et peut-être que moins, et donc du coup j'aime à les comparer, et c'est deux grands artistes. Je fais une autre comparaison qui est avec Alexandre Dumas. On sait qu'Alexandre Dumas a pas écrit la moitié des romans qu'il a signés, bien loin de là, et que c'était écrit par d'autres types, y compris. D'où on a fait une émission là-dessus, d'où l'expression le nègre de quelqu'un. Voilà, et donc en l'occurrence, en particulier, il y avait Auguste Maquet qui a écrit une bonne partie des romans d'Alexandre Dumas, qui était exactement la même situation, et qui à un moment a fait un procès et qui a gagné le droit de continuer d'écrire des suites avec les personnages qu'il avait créés. Il a fait quelques suites qui n'ont jamais eu le même succès. Pourquoi ? Parce que Dumas était un petit peu dans la démarche qu'on va associer après à Barnum, c'était un vrai aboyeur, c'était un vrai vendeur, c'était un type qui apportait des petites modifications. Mais quand on a créé ne serait-ce que 10% ou 20% du Comte de Monte Cristo, ou des Fantastic Four, ou des Avengers, on a quand même eu une on a apporté un peu le petit plus peut-être qui manquait pour. Et on voit bien ça dans l'œuvre de Kirby. Il y a trois phases. On a parlé tout à l'heure de Joe Simon avec qui il a co-créé Captain America. Il y a la phase Marvel en collaboration avec Stan Lee, alors plus ou moins, suivant les séries et les périodes. Et puis il y a la phase post-Marvel, où là, il part très loin dans le cosmique, c'est intéressant aussi, il y a des choses grandioses, mais il y a aussi des choses qui ont moins d'humanité peut-être. Alors nous sommes aujourd'hui avec les journalistes et rédacteurs Arnaud Tomassini et Olivier Corentin, le journaliste et conférencier Xavier Fournier et la productrice du podcast Comme dans ta bulle, Alexandra Ramos. On va continuer de parler du dessinateur Jack Kirby juste après Félixita qui nous chante Les Maisons du Sud. Du sud, la signature du soleil sur nos corps, chacun la sienne, après la sienne. Les maisons du sud, pas beau gonflard, hiérarchie de plastique, capitaine en slip, rail abordage. C'était Félixita avec Les Maisons du Sud. Blockbuster. Je suis pas mauvaise. Frédéric Sigrist. Je suis juste dessinée comme ça. Sur France Inter. Jack Kirby était un génie, hein, y a pas de débat là-dessus. Ses personnages traverseront les époques, mais Cocorico, dans Le Masque et la Plume, ça faisait longtemps. On a trouvé une personne. Hulk, il aime pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Ce personnage est absolument horrible, ce géant de 2,50 m de haut, tout vert. Oui. Mais vraiment, un enfant est traumatisé pour le restant de ses jours. Bon. Pas du tout, il devient complètement gâté quand il a 80 ans. Yes. Un mauvais moment à penser. Eh oui, c'était Georges Charansol dans Le Masque et la Plume en 79 qui, en voyant l'incroyable Hulk, dit « Voilà, les enfants vont être traumatisés ». Donc Arnaud Tomassini, est-ce que vous avez été traumatisé par votre première rencontre avec Hulk ? Non, c'est bon, je m'en porte bien. On verra quand j'aurai 80 ans, du coup, si je deviens gâté ou pas. Mais... Et justement, alors, vous avez la parole, gardez-la. Quelle est l'œuvre de Jack Kirby qui a vos faveurs? Bah, de façon, c'est pas très original. Ce sera le quatrième monde, le quatrième monde créé chez DC Comics. C'est notamment pour toute la mythologie qui a inventé là-dessus et sur la personnification du mal ultime qui est Darkseid chez DC Comics. Au-delà de son design de son apparence de boss de fin de l'univers DC, de ses capacités à envoyer des rayons oméga de par-ci, c'est vraiment parce que... Oui, cette particularité de suivre des angles droits, enfin Je pense que dans la vraie vie, ce sera des angles impossibles, en fait, puisque de toute façon, c'est une entité qu'on peut pas percevoir, mais c'est vraiment parce qu'il y a quand même un rapport entre Jack Kirby, le fascisme, et que Xavier le mentionnait déjà avant, qui traverse toute son œuvre. Il a co-créé Captain America en réponse, enfin, en appel pour aller dire « faut aller taper Hitler ». Il a perdu des camarades parce qu'il a fait la guerre, il allait en France. Oui, il s'est battu à Metz. Il a failli mourir. Oui. Et ça l'a forcément marqué. Et vraiment, Darkseid, c'est juste la personnification ultime. C'est le Hitler aussi de l'univers DC Comics, parce que ce qu'il veut, c'est pas juste la destruction totale. C'est vraiment l'anéantissement de toute libre pensée, de tout libre arbitre. Darkseid, c'est un tyran qui vient donc d'une autre planète, qui est à la recherche de ce qu'on appelle l'équation d'antivie. Et en fait, quand tu la possèdes, simplement que tu empêches tous les autres de penser par eux-mêmes et que tu les contrôles. Et c'est vraiment... Enfin, l'idée en elle-même est géniale dans cette façon d'être représentée. Et après, bien entendu, vu que c'est Jack Kirby, il y a le concept et puis il y a aussi l'univers qui se développe tout autour. Avec Big Barda, Mister Miracle, le roi de l'évasion. C'est un imaginaire qui est juste incroyable. Black Racer, qui est lui aussi, il aimait bien les sports nautiques, oui. Mais dans l'espace. Hein, c'est à ski, du coup, lui. Voilà, lui, sauf que lui, il se promène dans l'espace à ski. Le surfeur d'argent, c'est sur un surf. voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait sûrement un jet ski de l'espace aussi. Et quelque part, c'est presque un petit peu ça qui était amené dans la série Loki, peut-être, on ne sait pas. Ça reste à voir. Owen Wilson sur un jet ski de l'espace. Moi, je demande à voir. Après, il y a aussi dans New Gods, il y a Turpin le Terrible. Que j'aime beaucoup, et moi je pense que c'est aussi une réponse à ce qu'il a vécu. C'est un personnage en fait qui a pas du tout de pouvoir et qui se bat avec ses propres poings, et donc j'aime à penser que du coup il l'a écrit pour lui en se disant bah voilà, c'est un peu moi aussi dans les comics. Oui. Et ça m'a marqué à la lecture. Corentin, un univers qui est à vos faveurs, est-ce que c'est New Gods aussi? Je peux répéter ou... C'est oui. Ah. Oui. Ben moi, c'est Mister Miracle, précisément, dans les New Gods, parce que je pense que c'est peut-être le héros le plus biographique, on va dire, de Kirby, à tel point que Big Barda, sa femme, est calquée, on va dire, sur le physique de Rose Kirby, qui était donc la femme de Jack Kirby, puisque c'est un roi de l'évasion, et qu'il a créé ce personnage-là après s'être évadé, entre guillemets, de chez Marvel, pour aller chez DC et avoir un full contrôle créatif. Quelque part, on peut même voir une sorte d'allégorie entre ces deux planètes qui se font la guerre. Un contrôle total. Oui, pardon, excusez-moi, la francophonie. On est sur France Inter. Non, parce qu'après, c'est moi qui reçois les... Pourquoi il a dit full contrôle alors qu'on peut dire contrôle total de son œuvre? I'm sorry. Mais on peut voir aussi une allégorie de la guerre entre Apocalypse et New Genesis, entre DC et Marvel. Quelque part, ce héros qui était de New Genesis, qui est élevé par le mauvais camp, entre guillemets, et qui s'évade avec sa femme. Voilà, moi, j'y vois quelque chose d'assez personnel. Et il y a beaucoup de reprises de Mister Miracle, dont une récente par un scénariste qui s'appelle Tom King. Il y a un article qui s'appelle Mitch Gerads, voilà, en 12 numéros, qui est tombé d'ailleurs assez récemment en VF, en français, pardon, en France, qui est vraiment une allégorie de la dépression et justement de la libération. On peut aussi noter que dans le quatrième monde, il y a un personnage qui est une parodie assumée de Stan Lee, qui est Funky Flashman, qui est un personnage qui justement a cette gueule dont on parle, ce côté toujours raconté, très fort, prendre beaucoup d'espace, etc., et qui insupporte beaucoup Mister Miracle. Et alors, Xavier Fournier, vous avez écrit un livre excellent, Kirby Sphere, paru aux éditions Corrette, dans lequel on vous parlait évidemment des hits de Kirby, mais aussi d'une multitude d'autres personnages qu'il a créés, qui sont peut-être moins restés dans la postérité, mais qui sont tout aussi intéressants. C'est phénoménal, en fait, comme œuvre et nombre de personnages qu'il a créés. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce type-là a commencé à créer sans penser à sa postérité. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était finalement comme les gens qui font des petites caricatures dans les emballages de chewing-gum. Hein. Ils pensaient pas faire quelque chose qui allait durer. Et du coup, il a fait plein de créations, des cow-boys, des soldats de la Seconde Guerre mondiale, des BD sentimentales, plein de choses comme ça. Mais en fin de compte, à plus forte raison, parce qu'il y avait très peu de rééditions et que le public changeait, c'était assez facile pour lui de dire bah, « Tiens, j'ai fait cette idée dans une série, je vais y revenir dans une autre série et puis la perfectionner ou la faire autrement. » Et donc, on trouve des redondances. En plus, on parle de création, mais ces créations-là ont forcément des inspirations. Et une des inspirations majeures de Jack Kirby au niveau du scénario, C'est un type qui s'appelle Edmond Hamilton, qui était le créateur de Capitaine Flamme, de Captain Future. Et on trouve, non pas deux ou trois allusions ou des points communs, allez, c'est un hasard, non, on trouve des dizaines de références à l'œuvre de Hamilton. Hamilton lui-même apparaît comme personnage dans une histoire des Quatre Fantastiques. Et souvent, Kirby revient chercher dans cette science-fiction et ça donne un truc intéressant parce que là, tout à l'heure, on parlait des univers de Kirby, mais en fait, on peut lire de ça indépendamment de l'éditeur chez qui il publie. Les points communs sont tels que ça s'emboîte. Ça forme un contexte, ça forme ce que moi j'ai appelé Kirbysphère dans ce bouquin-là. Ça forme un univers propre à Jack Kirby qui fonctionne même si c'est chez Marvel ou chez DC. Et par exemple, on parlait du quatrième monde. Le quatrième monde, quand on voit les ruines, quand il visite les ruines de ce royaume-là, il y a le casque de Thor. Le Thor de Marvel, c'est-à-dire que le pied de nez, il est total. Ces personnages-là qui sont créés dans les années 70 chez DC, ils sont bâtis littéralement sur les ruines des personnages qu'il a créés chez Marvel. Donc il s'était inventé son propre univers partagé à lui tout seul. Et puis il y a Kirby en tant qu'inspiration. Et je sais que le sport national, dès qu'on parle de Star Wars, c'est de trouver des allusions partout et des choses comme ça, et de trouver que George Lucas a été pioché dans Valérian et dans plein de choses. C'est vrai, mais il a aussi été puisé dans l'œuvre de Jack Kirby, parce que le quatrième monde et les New Gods, Darkseid, alors Darkseid, si on traduit phonétiquement, oui, ça veut dire le côté obscur. Donc il y a le héros de ce quatrième monde, et au bout de quelques épisodes, on découvre quoi ? Que le héros de ce quatrième monde, c'est le fils de Darkseid, du côté obscur. Et les nouveaux dieux manipulent un truc qu'ils appellent l'astroforce, ou la force carrément dans certains épisodes. Bon, ça va, en tant que point je commun, ça commence à fonctionner. Vous voulez en venir, mais je vous laisse parler. Au point où dans un épisode de Black Panther, Jack Kirby, qui est à la fois scénariste et dessinateur, là, eh ben, il envoie Black Panther dans le désert, qui se perd, qui atterrit près d'un plateau de tournage où il y a un type barbu qui est en train de tourner un truc de science-fiction avec des gardes en armure noire et blanche, des extraterrestres qu'on reconnaît vaguement, et il y a un pied de nez comme ça sur George Lucas. On va marquer une courte pause en écoutant le chanteur de Rhythm and Blues, Nick Waterhouse, avec Toutelle. Et j'en profite pour remercier Djoubaka à la programmation musicale et à la technique Henri Bérec et au mixage Guillaume Roux. Are you lost and lonely and no home time? Did you arrive just a waiting line? Are you left thinking that there's no there? Well, the people care till they just don't care. Well, well, well. My voice, and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking just like you got some notion? Do you see a mirror where I see an ocean? Well, well, well. Waterhouse, Toutelle dans Blockbuster sur France Inter. Je suis sûr que tu vas aimer Asgard. C'est immense, c'est doré, étincelant. Et le reste? Non, non, non, non, non. Mon peuple a besoin de moi sur Asgard. Nous devons empêcher le Ragnarok. Ragnarok. La mort annoncée de mon royaume, la fin des temps, la fin de tout ce qui est... En fait, si tu m'aides à revenir sur Asgard, je t'aiderai à mon tour à revenir sur Terre, hein? Terre déteste Hulk. La Terre adore Hulk, elle t'adore. Tu es un Avenger, un membre de l'équipe, un de nos meilleurs amis. Et les amis, c'est fait pour s'entraider. Tu es ami de Banner. Je suis pas l'ami de Banner, je te préfère de très loin. Ami de Banner. Je me fiche de Banner, il aime que les maths, la science, les chiffres. T'en rentres, il te reste. Bien. Reste là. Un endroit stupide et vraiment moche, à mon avis. Tout ce rouge, tout ce blanc, c'est... Choisis une seule couleur. C'est ridicule. T'es battu. Tu m'as pas battu, j'ai gagné ce combat. T'es battu. C'est ça, pose toujours. Bébé. Quoi? Bébé. Abruti, bébé toi-même. T'en rentre. Oui, je rentre chez moi. Il t'a encore gagné. C'était un extrait de Thor Ragnarok de Taika Waititi, sorti en 2017 avec Chris Hemsworth, doublé en français par Adrien Antoine, qui interprète Thor, et Mark Ruffalo, doublé en français par Rémi Bichet, qui double Bruce Banner et Hulk. Xavier Fournier, Thor Ragnarok, c'est un des films dans lequel, je dirais, le design de Kirby se retrouve le plus littéralement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a carrément des... Il y a des cases tirées des cadres fantastiques, des détails de cases qui ont été agrandis comme décor dans la scène où on voit le Grand Master en train d'organiser qui est une espèce de loge en haut de son arène. Les décors sont tirés de cases des cadres fantastiques et les extraterrestres qu'on voit dans ce film-là sont pour une bonne partie inspirés directement lointainement de design de Kirby. Donc on a vraiment l'impression que ça revient un petit peu maintenant à une adaptation un peu plus littérale. Alexandra Ramos. Une des forces aussi de Kirby, c'est la couleur, surtout à l'époque où c'était un peu compliqué. Et je pense que c'est un peu ça aussi la référence qu'il peut y avoir dans Thor Ragnarok, c'est la surpuissance de couleur qu'il peut y avoir. Dans Kirby, il n'y avait aucune limite pour lui sur la couleur, alors qu'aujourd'hui, on est sur des comics très très dark, on évite un petit peu de dépasser un code de 4-5. Lui, il était sans limite comme le film. Oui, non, je voulais dire, l'exemple le plus frappant, en fait, c'est quand même le casque de Hela, voilà, exactement. Oui. Parce qu'on en a parlé, Galactus, bon, pour ceux qui ne voient pas, donc c'est un grand monsieur très carré avec un casque dont les branches partent vers le haut. Voilà. Ouais. Et dans la série, dans les différentes séries Thor, John Into Mystery, etc., il y a différents, justement, googlez sur, Thor, Odin, casque, et vous verrez, justement, tous les casques qu'a imaginé Kirby pour ces personnages-là. Et effectivement, le personnage de Hela, qui est peut-être le design le plus kirbien qu'on ait vu pour l'instant chez Marvel Studios, à l'exception évidemment des films comme Les Gardiens ou Thanos, effectivement, qui est quand même un rip-off au départ de Darkseid. Alors un plagiat ou un dérivé oui, de... Oui, je suis encore désolé. Mais Corentin est un garçon charmant. En dehors de ça, c'est juste qu'il faut avoir un Google Translate traduction simultanée permanente. Et alors, justement, on est en train de parler des influences de Kirby dans ce cinéma qui génère des millions et des millions de dollars. On est vraiment dans une période du divertissement mondialisé très très singulière, parce que désormais il y a des plateformes, on a l'impression qu'il n'y a pas une semaine sans un nouveau projet qui tourne autour des super-héros qui s'inspirent de près ou de loin de l'univers Kirby. Et Arnaud Tomassini, et je me tourne vers vous pour ça, cet homme, Jack Kirby, jusqu'à la fin, s'est battu contre des maisons d'édition pour essayer de récupérer des droits, même des planches originales. Ouais, la planche originale. Et jusqu'à sa mort, ça n'a pas abouti. Bah non. Et après sur la question du ressenti qu'il pourra avoir sur toutes ces adaptations, c'est qu'il l'avait vu venir en fait. Il a commencé quand même, parce que ce qu'on n'a pas forcément dit non plus, c'est que aujourd'hui on est tous d'accord que son œuvre c'est ultime, c'est gigantesque qu'il a fait et tout est bien. Enfin, la plupart des choses sont bien. À l'époque, et notamment quand il va chez DC pour faire le Force War, ça marche pas en fait. Les séries seront même annulées et il pourra les compléter que par après. Et c'est à ce point que par moment il a même un surnom qui c'est Jack the Hack. Donc Jack qui rate quoi, parce que justement il crée des choses qui ne marchaient pas. Et petit à petit, après, au fil des ans et au fil justement des années qui passent, parce qu'il avait aussi dit, il avait dit un jour, il avait dit, ouais, vous verrez, le quatrième monde un jour sera connu. Il a eu raison ensuite. Et en fait, il avait de plus en plus de reconnaissance. Il était aussi invité dans des conventions. Il était parmi les premiers entrés en fait dans le Will Eisner Hall of Fame de la San Diego Comic Con. Et dans les premières années, dans les années 70, je crois, de la création de cette convention, il avait dit, vous allez voir d'ici quelques années, il va y avoir vraiment des comics partout et les pontes des studios hollywoodiens, ils vont venir pour aller chercher la matière première pour faire leur film. Et c'est vraiment ce qui est arrivé au fil des années. Donc, il était quand même visionnaire sur beaucoup de choses, sur ce qu'allait devenir l'industrie. Et s'il avait pu vivre plus longtemps, je pense qu'il n'aurait pas forcément été surpris de voir la tournure des choses. Après, effectivement, sur les problèmes de ses droits, il flippait surtout, notamment quand il y a, parce qu'au début, il y a bien des décennies avant, les éditeurs s'en fichaient des planches originales. Et c'est aussi dans ces années 70, quand ça a commencé à devenir un marché de collectionneurs, on a vu que les planches en fait avaient de la valeur, qu'il a voulu récupérer tout ce qu'il avait pu faire, et Dieu sait qu'il a pu faire des milliers de planches. Aussi pour simplement subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme, oui, parce que de ses quatre enfants. C'est bien ça, le point sur lequel je veux insister, c'est que c'est pas quelqu'un, parce que il aurait, ça serait son droit aussi, hein, remarquez, mais qui se dit, tiens, j'ai envie de récupérer une part du magot. C'est-à-dire qu'on parle aussi d'artistes qui, des fois, arrivent à l'âge de retraite sans même avoir de quoi se payer une mutuelle santé pour soigner ou se faire poser un pacemaker ou ce genre de choses. Donc, on est vraiment dans ce niveau, des fois, de précarité, alors qu'on est créateur de personnages qui font des millions et des millions de dollars. Et pour ça, il faut se justifier auprès d'un tribunal, donc avec un avocat qu'il faut payer. Enfin, ça semble aberrant. Dernièrement, le scénariste de Ed Brubaker, le scénariste de Winter Soldier, le soldat d'hiver, qui lui-même a dit qu'il avait plus gagné d'argent en jouant, en faisant un caméo, ouais, en faisant un figurant dans le film Captain America Civil War, qu'en ayant créé Le soldat d'hiver, c'est phénoménal. Malheureusement, et c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais les auteurs ont une part de responsabilité là-dedans, parce que le cinéma, les scénaristes de cinéma ont su s'organiser avec des syndicats pour provoquer, voire même des grèves des fois quand ça allait pas. Et les auteurs de comics ont été très peu solidaires. Jack Kirby lui-même, il s'est jamais forcément très beaucoup intéressé au sort des créateurs de Superman et à ceux de Batman et inversement. Donc, comme ils ne sont jamais syndiqués, ils ont fait aussi ils ont été des proies faciles pour les éditeurs. Encore que Kirby a quand même participé à Destroyer Ducks pour aider sur la fin de sa carrière. Voilà. Et c'est vrai que si à un moment les gars avaient dit on fait la grève et on ne reprend pas les séries les uns des autres, ça aurait pu provoquer des choses. Donc il aurait fallu que les gens se fédèrent et donc créent habituellement. C'était une époque aussi où il n'y avait pas cette conscience de la part des auteurs et justement, comme le dit Xavier, c'est que les éditeurs en ont profité. Et c'est pour ça qu'on voit ces cas d'auteurs qui finissent vieux et dans la misère. C'est aussi des gens en fait qui ont commencé il y a plusieurs décennies où il n'y avait pas encore ces modalités de droit d'auteur ou de protection sociale, alors que ceux d'aujourd'hui sont beaucoup plus protégés quelque part. Hein, Donny Cates, a priori, je pense qu'il n'aura jamais de soucis par rapport justement à ce qu'ont pu vivre Jack Kirby, Bill Finger et tous ces auteurs qui ont eu du mal. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas la même vision. Avant, l'auteur n'était pas forcément lié à son personnage. Le fait que Kirby ait créé énormément de personnages, ça ne lui appartenait pas. À un moment donné, il le laissait au lecteur. Aujourd'hui, on sait que Ed Brubaker, ça peut être... par exemple, il a fait un très bon Selina Kyle chez DC Comics. Ils sont liés aux créatures qu'ils ont créées. C'est la fin de cette émission, malheureusement. Arnaud Tomassini, Olivier Corentin, on vous retrouve dans l'excellent podcast First Print. Xavier Fournier, on rappelle que vous avez écrit un livre formidable sur Jack Kirby, Kirby's Fair, aux éditions Corrette. Et Alexandra Ramos, on a la chance de pouvoir profiter de votre éloquence dans le podcast Comme dans ta bulle. Merci à vous. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Sans les quatre fantastiques, nous n'aurions plus de planète. On ne peut pas fuir nos responsabilités. Le monde a besoin d'être protégé. Et on est qui on est ? Je me tue à vous le dire. Et la vie normale, vous en faites quoi ? Et la famille ? Depuis quand il faut être normal pour avoir une famille ? Demain dans Blockbuster, une ville où les prix de l'immobilier ont su rester abordables. Peu de soleil, peu de tueurs en série et peu de Parisiens. Un agent du FBI qui enquête sur des phénomènes inexpliqués. Une femme qui parle à une bûche. Un homme de petite taille qui parle en verlan. Manuel Valls qui continue la politique. Une série où si tu rates un épisode, Bah, tu la comprendras pas moins que si tu l'avais vue. Demain, on parle de Twin Peaks. France Inter.